un été d'écrivain. Écouter un écrivain, entendre son œuvre, des entretiens, des lectures, un été d'écrivain. Toute cette semaine, Sébastien Le Foll s'entretient avec Jean d'Ormesson, une émission enregistrée en 2014. Voix nue. Toute cette semaine, Sébastien Le Foll rencontre Jean d'Ormesson. Ce soir, et toi mon cœur, pourquoi bats-tu ? Dans le domaine de la culture, son seul rival national, c'est Johnny Hallyday. Malheureusement, il n'a pas écrit ses paroles. Jean d'Ormesson, bonjour. Bonjour. Alors hier, nous avons parcouru les allées très aristocratiques de votre enfance. Nous avons grimpé sur toutes les branches de votre arbre généalogique. Et d'ailleurs, on est frappé hein, dans cet arbre généalogique de voir que depuis François Ier jusqu'à De Gaulle, les Ormesson ont servi tous les régimes. Vous n'avez jamais eu envie de perpétuer la tradition familiale ? Au fait, mon père n'avait qu'une idée en tête, c'était le service de l'État. Les Ormesson ont servi l'État. C'était très intéressant d'ailleurs, parce qu'ils ont servi la monarchie, et puis ils ont servi la République. Ils n'ont pas servi l'Empire. Ils n'ont pas servi l'Empire. L'Empire, c'était déjà l'autoritarisme, ils n'aimaient pas ça. Mais on servait l'État. Et mon père, c'était un peu comme Ford. Vous savez, il y avait une publicité de Ford qui disait... Vous savez que les premières Ford étaient noires. Et la publicité de Ford, c'était « Vous pouvez avoir une Ford de la couleur que vous voulez à condition qu'elle soit noire. » Et mon père disait « Tu peux faire ce que tu veux. » C'est-à-dire, tu peux choisir entre l'inspection des finances, la Cour des comptes, le Conseil d'État... à la limite les préfectures, la diplomatie, mais c'est tout. Il n'était pas question de devenir banquier, de devenir médecin, de devenir artiste, quelle horreur. Il fallait servir l'État. Il aurait peut-être accepté que je sois historien, mais quand j'ai choisi la philosophie, il a trouvé ça très inquiétant, et quand j'ai écrit les livres, il était franchement déçu. Alors vous écrivez dans votre livre « Le rapport Gabriel » la chose suivante. « Je voulais de l'inattendu, du nouveau, du fantastique. Je crois que j'aspirais à des désastres qui feraient tout sauter. Un désir de catastrophe me travaillait en secret. » Alors votre vœu est exaucé puisque la guerre éclate en mai 40. La catastrophe, là voilà. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, vous savez, j'ai eu une enfance... incroyablement heureuse. Les parents aimaient les enfants aimaient les parents. Ça s'est poursuivi d'ailleurs. J'ai beaucoup d'affection et même d'admiration pour ma fille, qui je crois m'aime bien. Et évidemment, tout ça me paraissait un peu lourd. Je me disais, il faut remuer un peu tout ça. Et j'étais un peu un chien fou. Mon père est ambassadeur, est nommé ambassadeur par Léon Blum et quitte Bucarest pour devenir ambassadeur au Brésil, où il succède à, pas directement, mais à Claudel. À Claudel, il succède à Claudel. Et il sait que la guerre va arriver. Il sait que la guerre va arriver. Mon père était ultra, ultra pacifiste. Je vous ai dit qu'il était pour la réconciliation franco-allemande. Naturellement, il avait abandonné cette idée avec Hitler. Il était le contraire d'un militariste, mais il était de ceux qui pensaient qu'il fallait attaquer Hitler. Non, pas à Munich, c'était déjà trop tard. Munich, c'était déjà trop tard. Il aurait fallu l'attaquer en 36, en 35, en 34, le traité de Versailles était absurde. Il était trop dur pour ce qu'il avait de faible, et trop faible pour ce qu'il avait de dur. Mais il était là. Il ne fallait pas accepter que Hitler le piétine. Quand Hitler a réoccupé la Ruhr et la Rhénanie, il fallait dire non. Et si on avait dit non, nous savons maintenant qu'Hitler aurait reculé. Et donc, le pacifisme de l'époque a été criminel. La démocratie aurait dû arrêter Hitler plus tôt. Et si on avait été plus ferme, on aurait évité des millions et des dizaines de millions de morts. Et mon père, qui était ultra pacifiste, il était même quelquefois un peu dur. Il n'était pas du tout militariste. Je me rappelle des formules dans sa bouche. Il disait volontiers en riant, on se demande pourquoi les généraux sont si faibles quelquefois. C'est parce qu'on les choisit parmi les colonels. Il n'était pas vraiment militariste. Eh bien, ce pacifiste était pour qu'on arrête Hitler en 1934 ou en 1935. Et évidemment, il n'a pas été entendu. Et comme je vous l'ai dit, moi, je n'ai jamais été à l'école et je suis rentré presque directement. Je suis passé un petit peu au gré des vacances ou des passages de mon père à Paris. J'ai passé quelque temps à Louis le Grand, deuxième, mais on repartait aussitôt. Je suis rentré pratiquement directement des jupes de ma mère en Hippocagne. Et en Hippocagne, qui est-ce que j'ai trouvé ? Tous mes amis étaient non pas communistes, ils étaient trotskistes. J'ai vécu au milieu de trotskistes. Je me disais bien, je ne peux pas continuer comme ça. Tous mes amis sont rebelles et moi, je ne suis pas un rebelle. Et alors, tout ça a fini très très mal. J'ai foutu la merde dans ma famille en partant avec ma cousine Germaine. Au lieu d'être trotskiste, ce qui aurait été mieux, je suis parti avec ma cousine Germaine. Ça a été un drame. Voilà. C'est votre pire transgression ? Oui. Vous savez, c'était pas de l'inceste. Hein. Rassurez-nous. Je ne suis pas homosexuel. J'ai beaucoup d'amis homosexuels. J'aime beaucoup les homosexuels. Je pourrais vous citer 20 noms d'amis intimes qui sont des homosexuels connus, avec qui j'ai des liens d'amitié, d'affection, de tendresse. Je ne couchais pas avec eux. Mais vous n'avez jamais été attiré par un homme ? Alors, quand j'étais en Cagne, j'avais un professeur. Ça ne dit plus grand-chose maintenant que j'adorais mes professeurs. J'ai eu des professeurs merveilleux. J'avais Jean-Hippolyte qui avait introduit l'hégalianisme en France, qui avait traduit Hegel. J'ai eu Alquier, qui était un personnage merveilleux. Il ouvrait ses cours en Cagne, il bégayait, il avait l'accent du Midi, il était de Montpellier. Et il bégayait un peu, il disait « Vous aurez entendu trois potins, trois ragots à mon égard. Le premier est que je suis homosexuel, le deuxième est que j'ai ramassé ma femme dans un bordel, et le troisième, je ne sais plus ce que c'était, de ces trois assertions, il n'y en a que deux qui soient vraies. » Et il y avait un jeune type qui a introduit Heidegger en France, qui s'appelait Jean Beaufray. Et Jean Beaufray était ouvertement homosexuel, et je crois qu'il m'aimait bien. Enfin bref, disons qu'il était tombé amoureux de moi. J'avais 19 ans et il devait en avoir 30. Et je me rappelle, était mon professeur. Et je me rappelle qu'on descendait le boulevard Saint-Michel et il essayait de me convaincre. Et je me rappelle un argument de lui qui était « C'est pas parce que je t'aurais enculé deux ou trois fois que tu deviendras pédéraste. » Et je lui disais « j'y vois pas l'inconvénient, mais vous savez, je crois que j'aime pas beaucoup ça. » Et alors, il essayait de me convaincre, voilà. Et des amis homosexuels m'avaient nommé homosexuel d'honneur. Et j'avais eu l'imprudence de dire ça à la radio. Et j'ai reçu une lettre d'une dame qui signait la baronne, je ne sais pas quoi, qui disait « Non seulement votre père était ambassadeur du Front populaire, Non seulement vous êtes parti avec votre cousine Germaine, mais maintenant vous êtes homosexuel d'honneur. Je ne vous serre pas la main. Voilà. Alors vous voyez, j'avais ce sentiment d'agitation. Je me disais, mais à quoi je sers? Je ne suis même pas communiste, je ne suis même pas fasciste. Qu'est-ce que je vais devenir? Et quelquefois, j'attendais, c'est vrai que j'attendais les catastrophes. Vous savez ce que c'est? C'était tout simplement la fameuse formule de Chateaubriand, « Levez-vous, orage désiré !»« Levez-vous, orage désiré !» Eh bien moi, je ne me rappelle plus cette phrase, j'attendais des catastrophes, évidemment. J'ai été servi, il y a eu la guerre. Et en 1945, vous êtes reçu à Normal. Bah dites-moi, pour un dilettante, un irrésolu, c'est pas mal du tout. Eh bien, c'est exactement ça. Vous savez ce que je voulais faire, je sais très bien. Vous savez, on dit quelquefois aux enfants, qu'est-ce que tu veux faire? Et ils veulent être banquiers, ma petite fille voulait être vétérinaire. Et moi, je savais très bien ce que je voulais faire. C'était rien. Je ne voulais rien faire. Et j'ai vu plus tard, bien plus tard, j'ai lu avec un bonheur inexprimable, sous la plume de Mauriac, que, évidemment, ce qu'il y avait de mieux pour un jeune homme, c'est de vouloir devenir écrivain. Mais que si on n'avait pas la vocation, il y avait un signe très sûr, c'est de ne rien vouloir d'autre. Eh bien, je ne voulais rien d'autre. L'idée de devenir écrivain ne me traversait pas l'idée. Non pas parce que je n'aimais pas la littérature. J'étais un grand lecteur. Comme enfant, j'étais un grand lecteur. Mais l'écrivain, pour moi, c'était une espèce de dieu. Il n'était pas question de devenir écrivain. Je n'ai jamais écrit de poème à 5 ans. Je n'ai jamais écrit de roman comme Sagan à 17 ans. Je n'ai jamais écrit de poème comme Minou Jouet. Même pas un petit journal intime? Rien. Rien, absolument rien. Pas de journal intime. Je crois que j'ai... Des lettres d'amour, déjà, non? Jamais. Rien. Jamais. Pas une lettre d'amour. Pas un poème. Rien. Pas de poème à ma mère. Rien. Et vous voyez, il y avait ce vide et cette attente de quelque chose. Après, encore Mauriac. Je crois que c'était dans les chemins de la mer. La vie de la plupart des hommes est un chemin mort. Il ne mène à rien. Mais d'autres sentent dès l'enfance le sel de la mer qui arrive jusqu'à eux, il leur reste de s'y précipiter et peut-être de s'y noyer. Et ben voilà, je me disais, la seule issue, c'est la catastrophe. Et la catastrophe est arrivée, ça a été la guerre. Oui, mais cette attirance pour la catastrophe, mais qui est contrebalancée par cette presque certitude chez vous, très jeune, que vous étiez né sous une bonne étoile, oui, et qu'il ne pouvait rien vous arriver. En effet, c'est amusant. J'ai toujours été très gai, j'ai toujours été optimiste. Meilleur est toujours certain, c'est votre devise? Ça pourrait l'être? Oui, ça pourrait l'être. Le meilleur est devant nous, probablement. Et ça m'a suivi jusqu'à il y a 6 mois, quand tout à coup quand j'ai appris que j'avais un cancer, d'abord mes amis sont tombés des nues. Ils ont dit tu étais le dernier enfant. J'avais eu une enfance, j'étais très très fragile comme enfant. Je vous ai dit que j'avais été élevé à jus de carotte. Et j'étais très fragile, mais j'avais en fait une santé de fer. On disait de Cocteau, il a une mauvaise santé de fer. et j'étais très solide. Et quand j'ai appris que j'avais le cancer, tout le monde était très étonné autour de moi. Et le sentiment dominant, on m'a dit, mais qu'est-ce que tu as ressenti? J'étais vexé. Voilà. Et en effet, il y avait à la fois cet optimisme et ce désir de ne rien faire. Et j'ai compris très vite que si je ne voulais rien faire, il fallait faire des études. Ça m'empêchait d'entrer dans la vie active. Je n'avais pas envie d'être banquier, je n'avais pas envie d'être diplomate. Normalement, évidemment, mon père espérait une seule chose, c'est que je devienne diplomate. Je travaillais très très bien, j'étais toujours premier, puisque j'étais seul J'étais avec ma... Je travaillais avec ma mère. Ma mère ne savait pas le latin, ne savait pas les mathématiques, ne savait pas le grec, et m'a appris les mathématiques, le latin et le grec par un cours, par correspondance, avec quelque chose qui s'appelait Atner, le fameux cours de correspondance Atner. Et alors c'était intéressant, donc j'étais promu, puisque j'étais seul. Et j'entre en Hippocagne, et le petit génie est dernier. J'étais dernier en Hippocagne. Et il a fallu regrimper tout ça. Et je me disais, je vais faire des études. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que je vais faire, mais je vais faire des études. Et je suis rentré en Cagne, et stupeur, j'ai été reçu à l'école normale. Et j'avais un ami intime, que vous connaissez tous, bien que vous ne sachiez même pas qui c'est, qui s'appelait Philippe Vert, qui était à la Cour des Comptes, et dont le fils est célèbre, est illustre, puisque son fils, c'est Édouard Vert, qui est aussi drôle que son père, et aussi intelligent que son père, mais son père était en plus à la Cour des Comptes, c'est-à-dire qu'il était aussi brillant, aussi drôle, mais il était à la Cour des Comptes, c'est-à-dire dans un endroit qui n'est pas fait pour rigoler. Et quand j'ai été reçu à l'école normale, il a eu une formule que j'ai adorée. Il a dit « Personne ne pourra dire que tu as été reçu par faveur, tu as été reçu par erreur. » Mais le paresseux, le dilettante, est-ce que c'est pas pour amuser la galerie? Ça, vous deviez être quand même un sacré bosseur, non? Un bûcheur. Oui, bien sûr, j'ai peut-être dit ça pour amuser la galerie. C'est vrai que j'ai longtemps fait croire qu'en Cagne, je ne travaillais pas. Donc j'ai été reçu par mon génie propre, ce qui est très exagéré. Et en réalité, j'avais travaillé énormément, énormément. Alors parmi vos condisciples, il y avait également des gens comme Jean-François Revel, Alain Perfit. Alain Perfit. Alors, nous étions tous très conscients que notre génération était moins brillante que les générations d'avant. Avant, c'était Piggy, c'était Aron, c'était Jaurès, c'était Louisan, c'était Nisan, c'était... Et nous avions l'impression que nous étions assez nuls. Et ma promotion, c'était en effet Perfit, Revel, Althusser. Althusser était un tout petit peu plus vieux que nous. Il avait 6 ou 7 ans de plus vieux que nous. Et il était communiste, comme vous savez, et dépressif. Et j'avais une vénération pour Althusser. Et comme je vous ai dit que je ne voulais rien faire, que je ne savais rien faire, une fois que j'ai été reçu à l'école normale, il fallait choisir une agrégation. Et comme mon père voulait absolument que je devienne diplomate, je me suis dit, peut-être que je vais faire l'ENA après l'école normale. Et je travaillais très bien. Et mon frère aîné, qui avait 5 ans de plus que moi, était un cancre formidable. Et mon frère voulait devenir marin. Et toute la famille disait, mais il ne pourra jamais passer le concours de l'école navale, il est trop faible. Et puis, il y a la résistance, mon frère fait un peu de résistance, et s'ouvre l'école d'administration, l'ENA est créée par Debré, et mon frère dit, je vais me présenter. Hurlement de rire de la famille, il est reçu. Il est sorti premier. Il est sorti premier. Mais comme il était un cancre, il y avait 170 fautes d'orthographe. Et on a dit, on ne peut pas le mettre premier, on va le mettre second. Et il est quand même devenu inspecteur des finances. Et donc, moi, il fallait que je fasse aussi quelque chose. Et j'ai préparé l'agrégation d'histoire. Et puis, quand même, j'ai été trouvé Althusser, qui était notre patron, camarade patron. Et je lui ai dit, écoute, je veux passer aux lettres. En réalité, j'étais tombé amoureux de la philosophie. J'aimais la philosophie. La philosophie ne m'aimait pas beaucoup, mais j'aimais la philosophie. Et je me suis dit, je vais me rapprocher avec les lettres. Ah, il a dit très bien, on t'a inscrit aux lettres. Et puis, je me suis dit, il faut me rapprocher encore de la philosophie. La philosophie, c'est du grec et de l'allemand. Je vais faire l'agrégation d'allemand. Puis, c'est, comme je parlais allemand, puisque j'ai été à Munich pendant 8 ans, je me suis dit, ça va me demander trop de travail. Je vais revoir une troisième fois Althusser qui me dit, c'est la troisième fois que tu changes d'agrégation, mais enfin, bon, tu feras l'agrégation d'allemand. Et au bout de 3 mois, je lui dis, je veux faire l'agrégation de philosophie. Il me dit, tu souviens-moi, tu peux tout faire. Tu peux faire l'agrégation d'allemand, de lettres, d'histoire. Philosophie, tu es trop faible. Et j'ai voulu faire l'agrégation de philosophie et j'ai été reçu à l'agrégation de philosophie. Jean d'Ormesson, vous parliez de l'esprit de votre génération. Je vais vous lire les premières phrases d'un roman que vous connaissez bien, Le Hussard Bleu, de Roger Nimier. Vous allez me dire si vous retrouvez dans cette description. J'appartiens à cette génération heureuse qui aura eu 20 ans pour la fin du monde civilisé. On nous aura donné le plus beau cadeau de la Terre, une époque où nos ennemis, qui sont presque toutes les grandes personnes, comptent pour du beurre. Votre confort, vos progrès, nous vous conseillons de les appliquer au meilleur système d'enterrement collectif. Alors c'est vrai, vous savez... Je vous assure, je ne vois ça par démagogie. Quand j'avais 20 ans, je sortais donc, je me suis toujours présenté comme sortant d'un milieu privilégié. J'étais fonctionnaire. Mon avenir était assuré. Comme normalien, j'étais payé. Pas cher, mais j'étais payé. J'étais assuré de ne pas mourir de faim. Le chômage était à 0,5%. 0,5%. Vous vouliez un job, vous le demandiez, vous l'aviez. Vous le demandiez, vous l'aviez. Et je me rappelle mon désespoir. Je me rappelle mon désespoir. Je me disais, je peux m'en sortir que par des catastrophes. Vous vous rappelez ce que vous avez... Et je me dis, aujourd'hui, avec le chômage à, je sais pas où il est, à 10% ou 12%, comment est-ce que les jeunes gens sont encore heureux. J'avais tout pour... Et en même temps, j'étais catastrophé. Je ne savais pas quoi faire. Alors, quand j'ai été reçu à l'agrégation de philosophie, par erreur, de nouveau, qu'est-ce que j'ai demandé? J'ai demandé Aix-en-Provence. Pourquoi? Parce qu'il y avait du soleil et des filles. Je me suis dit, des filles. Alors, on m'a dit, écoute, tu n'es pas premier. À l'époque, à l'agrégation, on était 12. 12, hein. Il y avait, je sais pas, on était 300 ou 400 à se présenter. On était 12. Et je me rappelle l'émotion quand on lisait la liste des reçus, premier à tel. J'y étais pas. Alors c'est effrayant parce qu'on se disait, il va y avoir que 12. Mes chances croissaient et diminuaient en même temps. Au fur et à mesure, je n'étais pas le premier, je n'étais pas le second, je n'étais pas le troisième, je n'étais pas le quatrième, je n'étais pas le cinquième. Je crois que j'étais huitième. Alors évidemment, quel bonheur. Quel bonheur. Je suis reçu à l'agrégation. Mon père était fou de bonheur. Mon père était quand même très content. Il aurait préféré que je sois diplomate. Mais enfin, il n'aimait pas beaucoup la philosophie. Il se trouvait que c'était des anarchistes, les philosophes. Mais enfin, il était fier quand même. Mais alors, il fallait que je prenne un poste. Donc, on me dit, tu n'es pas premier, tu ne peux pas avoir Aix-en-Provence. Qu'est-ce que j'ai demandé? J'ai demandé Grenoble. Pourquoi Grenoble? Le ski! Le ski, j'aimais déjà beaucoup le ski. On m'a dit, ah, ça aurait été épatant, on vient de donner Grenoble, on vient de l'attribuer. Mais on a quelque chose de formidable pour toi, c'est Bryn Mawr. Quoi? Comment? Qu'est-ce que c'est? Bryn Mawr. Bryn Mawr est un collège américain qui demandait un professeur de français avec 6000 jeunes filles. J'étais tellement heureux que je suis tombé assez gravement malade. Je suis tombé malade. J'ai eu une spiroquétose, c'est une espèce de poliomyélite. Et c'est la première fois que mon nom est apparu dans le Monde a fait un article, sans me nommer, qui disait un cas de spiroquétose en France. Et j'ai eu 41 fièvres. Et on a dit, il est perdu. Et puis on m'a soigné, et j'étais un peu faiblard, et toujours cette chance, ces privilèges, je me promenais dans la rue, un peu faiblard, et je tombe sur un ami de mes parents, ça ne dit plus grand-chose aujourd'hui, qui était célèbre à l'époque, qui s'appelait Jacques Rueff, qui s'occupait du franc, qui était un grand économiste. Et Jacques Rueff lui dit, oh, je suis embêté, Julien a été élu président du Conseil international de la philosophie et des sciences humaines à l'UNESCO, j'ai absolument pas le temps de m'en occuper, il faut que je m'occupe du nouveau franc. Vous n'avez pas un ami normalien qui pourrait venir m'aider pendant 3 mois? J'ai dit, écoutez-moi, je suis bec dans l'eau, je n'ai pas été à Bryn Mawr, j'ai rien, j'ai pas de poste. Je suis rentré pour 3 mois à l'UNESCO, je suis resté 30 ans. Voilà comment se fait une carrière, mon pauvre ami. Et sans l'UNESCO, vous ne seriez peut-être pas devenu écrivain? Alors, je me reconnais un mérite. Je suis donc entré au Conseil de la philosophie et des sciences humaines, qui était une ONG. C'était une ONG. L'UNESCO avait besoin de gens qui l'entourent. Il y avait une ONG très célèbre qui s'appelait l'ICSU, International Council of United Science. C'était les astronomes, les physiciens très puissants. Et il y avait des sociologues avec un secrétaire général qui était Lévi-Strauss. Et il y avait moi, adjoint de Jacques Rueff, donc secrétaire général adjoint du Conseil de la philosophie des sciences humaines. Et j'ai travaillé là, je suis resté 30 ans ou 40 ans, je suis tombé sur quelqu'un qui s'appelait Caillois, Roger Caillois, qui s'occupait à l'UNESCO d'une revue qui s'appelait Diogène, et j'étais moitié l'adjoint de Caillois, moitié l'adjoint de Rueff. Et j'étais indépendant dans cette petite organisation. Et bon, j'ai travaillé honorablement, et au bout de 2 ans, l'UNESCO m'a dit, voulez-vous, j'étais détaché de l'éducation nationale, avec un traitement de professeur de haut niveau, mais traitement de professeur. Je ne payais pas d'impôts. L'UNESCO ne payait pas d'impôts. C'est un avantage énorme. Et au bout de 2 ans, le directeur général m'appelle et dit, écoutez, vous travaillez bien, je vous propose un poste à l'UNESCO. Le traitement à l'UNESCO par rapport à un professeur français, c'était 4 ou 5 fois plus. Et j'ai refusé. En me disant, je suis libre, je suis tranquille, je peux écrire mes livres. Je travaillais honorablement, je n'écrivais pas mes livres au bureau. Mais enfin, le travail au Conseil de la philosophie et des sciences humaines me laissait le temps. À 6 heures, je partais, je rentrais travailler. Et donc, c'est comme ça que je suis devenu écrivain. C'était À Voix Nue. Toute cette semaine, Sébastien Le Foll rencontre Jean d'Ormesson. Attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Benjamin Thuot, réalisation Anne de Pelchin, coordination Sandrine Trainer. Cette émission s'écoute en ligne pendant une durée de 1000 jours et ce podcast pendant 1 an sur franceculture.fr. Demain, suite de cette rencontre de Sébastien Le Foll avec Jean d'Ormesson. Culture, un été d'écrivain, deuxième partie, le temps de la lecture. Nous vous proposons d'entendre en nouvelle diffusion une traversée de l'œuvre de Jean d'Ormesson, lue par Philippe Morier-Genoux dans un feuilleton réalisé par Baptiste Guiton. Thank you. Pages arrachées à Jean d'Ormesson avec Philippe Morier-Genoux. Choix des textes, Sylvie Balure. Deuxième partie, le bonheur d'être au monde. J'ai passé mon temps à me demander ce que je faisais dans ce monde où j'ai été jeté, sinon par hasard, je n'en sais rien, du moins sans avoir été consulté. Deux sentiments opposés que j'éprouvais l'un et l'autre avec force me tiraient à U et à Dia. J'aimais ce monde à la folie, et il m'était étranger et trop souvent hostile. J'aimais la vie. J'ai eu de la chance. Je m'y sentais comme chez moi. Je grimpais sur les montagnes, je descendais les fleuves, je me baignais dans la mer. Les mots faisaient mon bonheur. Je raffolais du miel, des spaghettis, des œufs sous toutes les formes, des épis de maïs qu'on vendait dans les rues, de l'odeur des pins et de l'amande amère. Les oliviers, les cyprès, les longues rangées de vignes me faisaient tourner la tête. Je n'étais tourmenté ni par la goutte, ni par l'envie, ni par la vanité. Je me sentais plutôt bien. Et le moindre geste, la moindre parole, un sourire, un regard suffisait à me faire courir jusqu'au bout de la terre. Mais il y avait cette chanson, ce refrain, cette musique derrière la tête. À quoi bon ? À quoi bon me jeter à la poursuite des choses et des êtres ? À quoi bon m'agiter ? À quoi bon vivre ? Peut-être la grâce du monde était-elle rongée en moi par quelque chose d'obscur qui relevait de la paresse ? De toutes les merveilles qui m'étaient offertes dans le monde et par la vie, celle que je mettais au-dessus de tout, c'était le sommeil. J'aimais dormir. Je m'en allais. Je partais en silence pour des rivages insensés. Je dormais et souvent je rêvais, sauf à l'époque où C était sorti de ma vie. J'avais peu de cauchemars. Mes rêves étaient délicieux et l'emportaient de loin sur cet amoncellement de hasards et de corvées que vous appelez réalité. À quoi bon vivre ? Ce n'était pas seulement les obligations, les ennuis, les difficultés de la vie de chaque jour que je fuyais dans le sommeil. C'était aussi les pique-niques, les fêtes, les réjouissances, les réunions de famille et d'amis, les rencontres d'écrivains, les voyages culturels, parfois même, je baisse la voix, je baisse la tête, les rendez-vous le soir avec des personnes qui me faisaient envie, tout ce qui m'arrivait d'attendre avec impatience et qui, plus souvent que de raison, m'ennuyait à mourir. Vouloir ce qu'on méprise est une horrible passion. La mienne ne valait guère mieux. Ce qui me plaisait m'ennuyait. Je me répétais avec une gaieté amère le mot foudroyant de Talleyrand. La vie serait supportable sans les plaisirs. J'aimais la vie et elle me semblait inutile jusqu'à l'absurdité. Ce que j'ai aimé le plus au monde, je crois que c'était la vie. La mienne d'abord, bien sûr. Je n'étais pas un saint. À la différence de l'Ecclésiaste et de tant de poètes et de philosophes, positivement consternés d'être sortis du néant pour être jetés parmi nous, je me réjouissais d'être là. Je m'éveille le matin, écrit Montesquieu, avec une joie secrète. Je vois la lumière avec une espèce de ravissement. Tout le reste du jour, je suis content. Moi aussi. J'étais content. J'aimais beaucoup les matins, le soleil, la lumière qui est si belle, et les soirs avec leurs secrets, et les nuits aussi. Après les surprises et l'excitation du jour, je m'enfonçais dans l'absence avec une silencieuse allégresse. J'aimais beaucoup dormir, et j'aimais me réveiller et aller me promener dans les forêts ou le long de la mer. Il y avait du mal dans ce monde. Le sang y coulait à flots. Des mères cherchaient leurs enfants au milieu des décombres. L'homme allait peut-être disparaître, victime de son propre génie. Et il n'en finissait pas de souffrir. Est-ce que je l'ignorais ? À côté des horreurs qui n'avaient jamais cessé de s'enchaîner les unes aux autres, et en attendant les désastres qui ne pouvaient manquer de survenir, il y avait aussi des roses, des instants filés de soie à toutes les heures de la journée, de vieilles personnes irascibles qui laissaient derrière elles un souvenir de tendresse, des enfants à aimer, de jolies choses à lire, à voir, à écouter, de très bonnes choses à manger et à boire, des coccinelles pleines de gaieté sous leurs damiers rouges et noirs, des dauphins qui étaient nos amis, de la neige sur les montagnes, des îles dans une mer très bleue. J'étais plutôt porté au rire et à dire oui qu'aux larmes et à dire non, plutôt à la louange et à l'émerveillement qu'à la dérision ou à l'imprécation. J'étais une exception. Quelle chance ! Il y a toujours avantage à être un peu invraisemblable. Après une enfance malingre qui n'annonçait rien de bon, deux fées pleines de tendresse et d'une partialité révoltante se sont penchées sur moi déjà sorties du berceau. L'une m'a donné avec un peu de retard ce que les gens, dans la rue, passent leur temps à se souhaiter, l'absence presque constante de toute souffrance physique, le silence des organes. L'autre, moins rustique et tout aussi puissante, m'a fourni les moyens refusés à tant d'autres qui étaient plus doués que moi d'apprendre à compter et à lire, de fréquenter des écoles, de rencontrer, grâce aux livres, à qui je dois presque tout, les meilleurs esprits de tous les temps. Je suis plus que personne, ce que les journaux de nos jours ne cessent de dénoncer, une vieille baderne arriérée, enfoncée jusqu'au cou dans ses souvenirs évanouis, écrasée sous les privilèges. Enfant des chasse-à-cours et des bibliothèques, je suis le dernier des Mohicans, le dernier à Benserrage, une sorte de pierre témoin des époques disparues. J'ai déliré assez peu, et peut-être trop peu. Je n'ai pas fumé beaucoup de joints, je n'ai pas tâté de l'héroïne, ni poudre ni seringue. J'ai dormi plus que de raison. Un côté demeuré et « aqua e sapone ». J'ai toujours été, comme chez moi, dans ma peau. Je regardais, j'écoutais, je me promenais dans le monde et autour de ma chambre. Je lisais de bons livres et même parfois de ces journaux qui sont, comme chacun sait, la prière du matin et du soir du misérable homme moderne. C'est autour de 20 ans que j'ai été le moins heureux. Pour la raison la plus simple, je ne savais pas quoi faire. J'avais le vertige du monde, je l'aimais à la folie. Je n'y comprenais rien. Tout s'embrouillait dans ma tête, sentiments et idées. Avant, dans les jupes de ma mère, autour de la planète avec mon père, évidemment toujours premier, puisque j'étais tout seul et que, mon frère derrière son poêle, dans sa boîte à bachot, je travaillais entre deux, jusqu'aux portes de la Cagne et de l'école de la rue d'Ulm. Ce n'était que délice. Il me semble que je vis encore de cette enfance heureuse. Après, planqué dans des fromages où je passais mon temps à dormir et à gribouiller tout en dormant de petites choses, souvent inutiles, qui avaient parfois 700 pages. C'était très supportable. Plus tard encore, c'est-à-dire maintenant, quand tout le travail était fait, ou faisait semblant d'être fait, sous les acclamations des foules d'une demi-douzaine d'arrondissements parisiens et de quelques recoins de notre province profonde où j'étais mondialement connu, c'était redevenu délicieux, incertain dans leur triomphe. Mes 20 ans et leurs environs m'apparaissaient moins plaisants qu'ils n'étaient censés l'être. Si j'avais, Dieu m'en garde, un conseil à donner aux jeunes gens traités trop souvent par des flatteurs comme des êtres d'exception, ce serait de prendre leur jeunesse et son mal en patience et d'attendre qu'elle s'en aille. Elle est, comme la vie elle-même, une étape précaire, une maladie qui guérit, une denrée périssable. C'est la préoccupation d'un instant, une épreuve passagère. Courage ! Elle passe toujours, d'une façon ou d'une autre. Il n'y a pas d'exemple que la jeunesse ne finisse par tomber après quelques détours dans la vieillesse ou la mort. Et souvent, dans les deux. D'autres sont sortis du spectacle de l'univers. Longtemps, je ne me suis occupé que de moi et de ma place dans ce monde. Je passais mon temps à me mettre devant moi. Je ne voyais pas très loin. Un des livres de cette époque portait un titre éloquent. « Du côté de chez Jean ». Cette série-là s'achève avec « Au revoir et merci ». J'en avais déjà ma claque. Des autres, bien sûr, mais surtout de moi-même. Je déposais mon bilan, je tirais ma révérence. Puisque je n'avais pas réussi à déclencher des clameurs, je me résignais au silence. J'avais genre 35 ans. Quelques années plus tard, rebelote. Je revenais à la charge. Le décor changeait. Je me quittais enfin. Je sortais au grand air, faite de briques et de brocs, pleine de voyages dans les livres et à travers le monde, de souvenirs décalés, de collages, de pastiches, de notes en bas de page qui renvoyaient parfois à elles-mêmes de situations exemplaires et de modèles récurrents, de jeux de miroirs et de bouts de ficelle avec une fausse chronologie, de fausses cartes, de fausses généalogies, une fausse bibliographie. J'écrivais une histoire imaginaire du monde, peut-être aussi plausible et vraisemblable que la vraie. C'était la gloire de l'Empire, un canular grandeur nature, avec des ambitions. Il se situait au confluent de deux sentiments, l'émerveillement devant les œuvres de l'homme et la conviction que je devais, en partie à Valérie, de la vanité d'une histoire dont la nécessité ne surgit que du hasard. Nous sommes tous les enfants d'un passé implacable, dont aucun détail, si minuscule soit-il, ne peut être modifié. Et pourtant, l'histoire universelle, qui ne s'écrit qu'avec des « si », si Alexandre le Grand n'était pas mort à 33 ans sur les bords de l'Euphrate, si Hitler avait disposé de la bombe atomique, aurait pu être très différente de celle que nous enseignons aux enfants de nos écoles. Je me moquais de l'histoire et je l'admirais. Je n'admirais pas seulement l'histoire des hommes, j'admirais l'univers qui la rendait possible. Il était inépuisable et il était beau. Nous étions si habitués à y vivre que nous ne voyions plus ni son étrangeté ni sa splendeur. J'ouvrais les yeux, il me plaisait, il me faisait tourner la tête. Je pense très peu. Et quand je pense, je ne pense à rien. Je ne suis même pas sûr d'avoir des opinions. Je me demande le plus souvent si les autres n'ont pas raison contre moi. La seule chose que je sais, c'est que le monde est un secret et que nous sommes une énigme. Je ne sais pas si le secret sera jamais levé, ni s'il y a une clé de l'énigme qui serait cachée quelque part. Mais il y a une énigme, et il y a un secret. Il n'est pas exclu que le monde soit un secret sans détenteur et une énigme sans solution. Il n'est pas exclu qu'il y ait un maître du secret et une réponse à l'énigme. Que le monde soit absurde ou qu'il soit un mystère, il nous pose une question. Ce qui est impossible, c'est de nous contenter des trompeuses apparences et de classer le dossier. Ce qui est interdit, c'est d'être satisfait. Tout ce que j'aurais réussi dans ma vie, c'est à saluer le monde, à bénir sa beauté, à me réjouir de ses plaisirs et à essayer de comprendre, mais en vain, ce qu'il me murmurait. Car une gloire si radieuse n'est pas donnée aux hommes. En tout cas pas à moi. Voilà en fin de compte, après avoir tant hésité, le métier que je voulais faire et que j'avais tant de peine à décrire à mon père. Aimer la vie, comprendre le monde. C'est une belle tâche et assez lourde. Il y aurait fallu, je le crains, plus de courage et d'intelligence que je n'en ai jamais eu. Au moins, aurais-je appris à mépriser pas mal de choses que j'avais beaucoup aimées et à me moquer d'elle, et d'abord de moi-même. Ceux qui prennent le monde pour ce qu'il paraît, la gravité les habite, et l'esprit de sérieux. Regardez-les, écoutez-les. Ils sont chiants à mourir. La gaieté, la grande, s'installe un peu plus haut. Le secret et l'énigme rendent la vie très comique. Le temps est un miracle, à chaque instant perpétué. Le plus grand des miracles, et peut-être le seul, à moins que le seul miracle ne soit le monde lui-même. J'aimais d'autres merveilles, des merveilles subalternes et pourtant éclatantes, qui se confondent avec nous et ne nous étonnent même plus. Le mouvement, qui se sert du temps pour l'emporter sur l'espace. Il faut 2 heures et demie en marchant d'un bon pas pour franchir à pied la douzaine de kilomètres qui sépare Saint-Fargeau de Saint-Sauveur-en-Puisaye, la patrie de Colette. Et qui se sert de l'espace pour mesurer le temps avec l'ombre du style qui se déplace sur le cadran solaire, l'eau de la clepsydre, le sable du sablier, les aiguilles de l'horloge. La lumière, non pas même la couleur, mais la simple lumière qui baigne notre monde pour lui permettre de vivre et nous permettre de voir. L'œil qui est une chambre noire, intégrée à chacun de nous, stupéfiante de précision et d'efficacité. Origine de toute science, de la géométrie, de la peinture et de l'architecture, d'un pan immense de l'art. L'oreille, qui n'est pas mal non plus, et nous ouvre tout un règne dont nous ne pourrions rien savoir, que nous ne pourrions même pas imaginer si elle n'existait pas. Celui du son, du bruit, de la parole, de la rumeur, de la mer et du vent, de la musique des sphères et des hommes, des cantates de Bach et des Negro Spirituals. Et du chant des oiseaux. La vie est un grand opéra, exagéré et sublime, qui nous retombe dessus. Je l'ai parcouru en bonnet, je l'ai applaudi à tout rompre. Les livres, le cinéma, le théâtre, la peinture, la sculpture, l'architecture et le reste n'en sont que les sous-produits. J'ai préféré la mer, la neige, le ski, le bateau, toutes les formes de vertige, tous les vertiges du plaisir à notre fameuse culture. Un bonheur m'envahit. Le monde est toujours le même, mais il a changé de signification. Les hommes et moi n'en sommes plus les uniques responsables. Chacun de nous est le chaînon d'une chaîne qui nous dépasse de très loin. Une puissance inconnue, qui est autre chose que l'ensemble des hommes, veille sur la marche de leur histoire et, au-delà de leur histoire, sur l'espace et le temps. Je lève les yeux, le soleil brille. Par une chance miraculeuse, il luit. Immuable, omniprésent, jusque sur les recoins les plus inaccessibles de la grosse boule appelée Terre. Je comprends que des hommes l'aient longtemps adoré. Notre vie dépend de lui. Il nous chauffe et nous éclaire. Il répand sa lumière. Toute la beauté du monde est liée à ses rayons. Il est l'image de la régularité et de la permanence. Après nous être si longtemps demandé s'il allait se lever demain, comme il s'était levé hier, on croirait volontiers qu'il est là pour toujours. Il est pourtant apparu à une époque et dans des conditions dont nous connaissons les grandes lignes. Et il disparaîtra dans un avenir que nous sommes capables de mesurer. Tout passe. Symbole du beau, du bien, de l'un. Le soleil aussi. Le soir vient. La nuit tombe. Les astres sont là. Nous savons tout de leur mouvement, de leur nature, de leur destin. Nous connaissons les liens qui les unissent à nous, qui ne sommes, après tout, que de la poussière d'étoiles. Nous sommes tous dans le caniveau, écrit Oscar Wilde, mais certains d'entre nous regardent les étoiles. Rêvons un peu. Passager et très fort, évident et fragile, un fil court de leur splendeur à ma vie de chaque jour. Je me promène dans ce monde. La terre qui a été si grande est devenue toute petite. Il m'est plus facile d'aller aujourd'hui à Bali, au Samoa, à la terre de feu et demain sur la lune, qu'il y a 2 ou 3 siècles à Chartres, à Périgueux, à Rochefort, à Annecy. Le passé nous étonne et nous devient obscur. L'avenir est invraisemblable et il se changera très vite en un passé poussiéreux et vieilli. La vie est simple et claire et elle n'est que mystère. Les nuages arrivent, il pleut, encore un miracle, encore une chance. Après le temps et la lumière, il y a l'eau. Il y a de l'eau, des océans, des lacs, des fleuves, des rivières, des glaciers, des cascades. Il y a des montagnes et des collines, des vallées et des cols, des plaines et des forêts. Il y a les arbres. Et ils sont le charme même. Un peu de la beauté du monde s'est installée dans les arbres. Il y a des chênes, des platanes, des pins maritimes et des pins parasols, des cyprès, mon Dieu, des oliviers, des vignes, des roses de sable et des déserts. Installés pour quelques saisons entre l'ordre des choses, la plupart du temps, à nos yeux au moins, arbitraire et injuste, et ma liberté, qui peut tout, c'est-à-dire pas grand-chose, je bénis l'univers, et je me réjouis d'être en vie. C'était Pages arrachées à Jean d'Ormesson, avec Philippe Morier-Genoux. Choix des textes, Sylvie Balul. Deuxième partie, Le bonheur d'être au monde. Extrait de C'était bien, paru aux éditions Gallimard, et de Qu'ai-je donc fait, paru aux éditions Robert Laffont. Musique originale, Sébastien Quincé. Prise de son, montage et mixage, Éric Boisset, Martin Delafosse. Assistant à la réalisation, Lélio Ploton. Réalisation, Baptiste Guiton. Un été d'écrivain, des entretiens, des lectures, toute cette semaine, Jean d'Ormesson,